Activité 13. 1. Salut, c'est Sébastien. Est-ce que tu es chez toi? Je te téléphone pour le rendez-vous de mardi. On se retrouve chez moi à midi, d'accord? À mardi. 2. C'est Suntu. Tu viens avec moi au marché? Si tu es d'accord, rendez-vous devant le marché à 10h. Et on va au restaurant aussi. Appelle-moi. 3. Salut! Je fais des courses au centre commercial. Il y a des réductions au magasin Dupont. Viens tout de suite. Je t'attends à l'entrée du magasin.